À l'occasion de la Journée du Soleil, sont arrivés le 10 à Pyongyang par avion, les délégations de la Fédération internationale des Coréens pour la réunification, conduites par son premier vice-président Kim Il-sung, de la Fédération des Coréens en Extrême-Orient de Russie pour la réunification, conduite par son président Lee Kuan-yew, de la Fédération des Coréens au territoire de Kamchatka, Russie pour la réunification, conduite par Choo Bun-yong, et des compatriotes coréens d'Ouzouriske en Russie, conduite par le vice-président de l'Association centrale des citoyens coréens en Russie, Kim Yong-yeol. Elles ont été précédées du délégué de l'Association nationale des Coréens en Australie, Kwa Kyun-chung.